J'aime pas les voisins, ils veulent pas que je joue. Moi et mon frangin, non mais on va où? Il crève les ballons, c'est pas très malin, c'est même assez con. Déménager, moi j'en ai assez. J'aime pas les voisins, ils ont fait les flics, juste pour toi, frère, rien qu'à me musique. Déménager, déménager, déménager, déménager, moi j'en ai assez.